voici donc, il est l'heure de se retrouver comme tous les mardis, tout simplement après-midi, début d'après-midi, et puis donc tout après-midi, avec l'émission Music Dance, comme tous les mardis après-midi. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, aussi avec l'émission de Lorenzo, entre 9h jusqu'à midi, et ok, vous allez retrouver la semaine prochaine. Voilà, on a débuté l'émission avec la compagnie créole, enfin un petit coucou, un petit hommage tout simplement au chanteur qui nous a tout simplement quitté donc au cours de l'émission, un petit clin d'œil pour le faire souvenir. Et puis aussi un petit coucou, un petit clin d'œil aussi pour ceux qui ont pris l'école tout simplement bien hier, aujourd'hui et ainsi. Et bien donc, bon courage à vous tous et à vous toutes. C'est bien un petit clin d'œil pour vous. Voilà donc, mais on continue bien sûr avec les chansons et voici deux morceaux différentes des compagnies créoles et puis juste après eux on écoutera Gilbert Montagné. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller, si tu veux te réchauffer. Faut savoir bien piguiner. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, ouvre les bols super sapés. Et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral. Chanter. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon. C'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon. Swing it. Allez, allez, allez, allez. Si tu veux te faire plaisir, faut surtout pas hésiter. Pour combler mes désirs, y'a rien. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, camions font plus de bruit qu'un canon. Tout le monde vit au rythme des congas le soir à Trinidad.

parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Pour ce soir, ainsi pour demain, nous serons mercredi demain. Voilà donc en soirée, vous allez retrouver à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe pour l'émission Électrique Choc. Et puis toujours avec un Christophe, mais un autre animateur qui s'appelle Christophe, à partir de 21h jusqu'à 23h avec Pro Live avec un autre animateur qui s'appelle Christophe. Et puis donc, demain sera mercredi à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor pour l'émission Portugal Festa. Et puis dans l'après-midi à partir de 14h, 16h avec Gloria, la musique de Gloria. Et puis juste après à partir de 18h, pardon, de 16h, 17h avec Zika d'ailleurs. Voilà donc, on continue bien sûr les chansons et voici Demis Roussos et puis juste après les Jesse King. J'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de complementa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven. Se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma la dolores, cuando se inma la dolores, cuando se inma la vela, cuando se inma la dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta ronda la guitarra, yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba

a sunny afternoon.

Voici donc Céline Dion et puis Asia. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je n'oubliais pas un peu si. Faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que je sais. Mon personne pour qu'elle comprenne, qu'elle se traîne, qu'on l'entraîne malgré elle sur une mauvaise voie. Elle est à toi, mais sache que tu la perdras si tu la laisses planter là. Au lieu de prendre soin d'elle, seule tu as la foi, elle est des choix en toi, des joies. Et puis juste après elle, ce sera le country. Voilà donc la suite des émissions pour le mercredi et le jeudi. Voilà donc bien pour le mercredi à partir de 18h jusqu'à 19h30 avec Violette, l'émission traditionnelle. Et puis juste après entre 19h30 jusqu'à 21h avec Christina pour son émission. Eh bien, c'est pour le jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Amère Giraud, Vase de Portugal. Et puis, entre 14h jusqu'à 16h, avec les années 80-90, avec Annabelle. Et puis, entre 16h et 18h, le tout simplement Chantal avec Groove Tropical. Puis juste après, pause musicale avec Sylvie entre 18h et 20h, et puis entre 20h et 22h avec Noche Famunka avec Julien. Voilà donc eh bien, toutes sortes d'émissions différentes, tout simplement sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici donc eh bien, le country, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Ce samedi soir pour un souper, j'ai arrivé bien habillé pour l'impressionner avec un beau convertible que j'avais loué. En embarquant sur le highway, je craigne m'amuser à me regarder de travers, j'aime mieux le classique. J'ai demandé à you si tu veux manger. Just take your pick. Je pouvais pas croire à la choisie de restaurant touché. J'ai pas d'élevé au five course meal avec cette six fourchettes en stainless steel. J'ai pas honte de dire je suis acadien. Ses fries avec ses mains. Il commande une bouteille de Dom Pérignon. Six foot pour une entrée et un filet mignon. Là je vois ça venir, ça va me coûter des shots 17. Faudra que je travaille toute la semaine juste pour payer le thé. J'ai pas élevé au five course meal avec ces six fourchettes en stainless steel. Fries avec ses mains. Oui, j'ai pas élevé five course meal avec sexy fourchette en stainless steel. J'ai pas honte de dire j'suis acadien. Qu'elle mange ses fries avec ses mains. Oui, j'ai pas

feel like a woman. Like a woman. Voici donc Dick Rivers et puis juste après Johnny Hallyday. Baby, dis donc, quand tu sors de l'école, et tu sais dans son vol, du côté de Londres, de Memphis, baby, girl, petite fille un peu folle, c'est toi mon idole, t'as tous les plans pour le French kiss, yeah. Allure, j'ai ce foulard rouge sur ta coiffure, j'ai ce maquillage sur ta figure, c'est la pelouse de l'aventure. Baby doll, paraît que tu décolles, soupirant qu'elle vole, un peu démodé, un peu kitsch. Baby doll, tu te fous des paroles, ça joue en mille la seule de ces accords-là. Il y a longtemps que je n'ai pas dansé un saut avec une fille comme on fait trop. Il y a longtemps que je n'ai pas ouvert la cage du chat sauvage. Oh mais baby, baby, baby, baby, quand tu sors de l'école, les 17 ans se volent. Vagabonde, serre-moi fort contre ton cœur. encore. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour règne le jour. Et le va s'oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. L'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort. Retour avec d'autres chansons de Les Compagnies Créoles avec un petit clin d'œil. Yeah. arc-en-ciel. Un autre titre avec le soleil, et puis juste après Marcel Lamont. On est là pour chanter, on est là pour danser, sur les rythmes, les rythmes, les rythmes du soleil. On est là pour chanter, on est là pour danser, sur les rythmes du soleil. C'est ça qui fait swinguer, c'est ça qui fait bouger, c'est ça qui fait danser sous le soleil. C'est ça qui fait swinguer, c'est ça qui fait bouger sur les plages, c'est toujours pareil. Tout le monde danse, tout le monde danse, tout le monde danse sous le soleil. Tout le monde chante, tout le monde chante, quand on vient l'été, c'est toujours pareil. Les idées.

sinon Caroline Costa. Plus les mots pour te parler de mon cœur, l'espoir n'est plus qu'un ton. Et puis Sorel, on écoutera tout simplement Fanny J. Tous les pétales de ma vie. Let's go. voici donc Vicky Leandros. Le bleu, l'amour est bleu, berce mon cœur, mon cœur amoureux. Bleu, Arc-en-ciel. Voilà, retour avec les compagnies créoles. Viens, je t'emmène loin de tout ça, loin de tes problèmes, où tu oublieras. Oh, combien j'aime, si l'on s'aime, on ira. Oh, viens, je t'emmène. Chanson rap.